SG, le RG du QG, son ghetto, notre réseau, notre cerveau, notre haine, on se poids sur ce thème. Son ghetto. Son ghetto. Comme celui de Sarko incriminant la racaille dans les cités. Son ghetto. Dans nos politiques, on a un nazi qui s'appelle Sarkozy. Son ghetto. J'suis pire qu'une bombe à retardement quand j'ai la rage. À du barge, t'as 90% de chance d'en sortir barge. Donc j'gardais mon courage en pensant à la liberté. Cette liberté qui passe trop facilement sous le nez. C'est pour ça que j'vis avec ma putain de rancœur qui fait mal à la tête comme la guitare d'une merde de rocker. Comme un boxeur, je mets des hypercutes qui percutent pour que tu capes, mais surtout pour que tu balances rap. La preuve, j'en ai pas mis assez, mais j'en suis pas lassé. Pour que j'arrête, fais-moi bouffer les poings par un cadre de corso. Je protège mon dos autant que je peux, car y'a trop de faux qui jouent des putains de jeux. Mais dans ma vie, je me ferai plus jamais avoir. Ça m'a suffi une fois quand ma vie a viré au cauchemar. J'arrivais pas à y croire, cousin. C'est la matraque, t'inquiète pas, je suis revenu. Eh ouais, c'est ça. Ok, NGM, on est là, oh. Écoute, imagine l'image où que la rage réagit. Ce qu'on fait, c'est pas magique, c'est réel, y'a pas de magie. On cogite pour notre vie, on s'agit, on se dirige à la grâce. Là qu'on habite, nique ses gardes d'arbitre. Tu nous agaces, même chez nous, on n'est pas à l'abri. On fabrique sur le tas, j'ai appris. Maintenant, regarde-moi dans l'état que je suis. La rue vendetta, c'est la ruine. Là, tu s'entêtes, puis l'état vient nous embêter. On se crédit pas, ok, on s'emporte pour n'importe quel rapport. Avant qu'on parte, faut qu'on l'emporte. On se compare avec une fière, c'est sûr qu'on se sent fort. C'est dur. On sent l'effort, je confirme qu'on est en forme. Un conflit, y'a le renfort, on te confie des choses énormes, c'est normal. On est dans les normes, désormais faut encore la maille. Désarmer le mal, et on verra si on s'en remet. C'est formel, je t'apprends la formule. Faut pas que tu sois nul, c'est plus un manu. Malgré qu'on est des humains, mais en fin de compte, il n'en reste qu'un. Ok, NGM. Son ghetto. Son ghetto. Comme celui de Sarko incriminant la racaille dans les cités. Son ghetto. Dans nos politiques, on a un nazi qui s'appelle Sarkozy. Son ghetto. Une fois de plus, ce scorpion envenime le rythme. Avec sa team, son putain de flow, grand millésime. C'est menaçant et à la fois éblouissant, toujours à 200%. Quand on rappe, tes oreilles pissent le sang. Et on fait ça avec le sourire, car on aime voir les instrus souffrir. Ça score, rien ne peut m'arrêter quand je suis avec mon équipe sur un bon trip, sur un prototype ou un bon clip. Le beat, je les trip, tout fonce dès, c'est le principe. Enfoiré, toi-même, tu sais que je suis entouré de pointures qui assurent dans la structure de l'écriture. Le beat, on fracture. Fuck la magistrature et la censure. Hip hop, on le fracture. Sans payer la facture, kick notre son dans ta voiture et jusqu'au point de suture, ton cerveau sature. Négro, le trio vous brûle le cerveau, cellule par cellule, sans scrupule. Vous baise la clavicule et les testicules. Fanboy, tu veux nous mettre une pilule. À chaque seconde, nos rimes pullulent. Plus chaud que la canicule, fais gaffe à ton matricule. Quand tu nous vois, ne fabule pas. Ton rap nous stimule pas, alors on te calcule pas. Et nous, on t'encule, gars. Ouais, va pas tester petit fils à maman. Je le dis gentiment. Ça vient du ghetto, prépare ton testament. Son ghetto. Son ghetto. Comme celui de Sarko incriminant la racaille dans les cités. Son ghetto. Dans nos politiques, on a un nazi qui s'appelle Sarkozy. Son ghetto. Viens dans nos pas d'attention, si t'aimes avoir des pulsions. Nos conditions, tous prêts à bondir pour de l'action. Nos réactions, et j'ai son ghetto. Fais pas d'étonnement de situation. Si tu as le don pour être censuré, viens poser tes mensurations, garçon. Ici on est tous agressifs, agréés dans le nocif. Voilà nos kiffs, nos dégifs. Pas tous ceux qui nous revendiquent, république, public. Tous ceux qui nous ont trahis, pas de check sur ce type. Juste à nos parts d'attraction, et au dollar et de l'action. Les munitions de rime, voilà nos primes. Et j'ai futuré freestyle, à son spécial, à son commercial. N'attends pas, je chantais dans un festival. Mais si devant moi j'ai des rivales, ne crois pas non plus que je te taille. C'est moi qui pose, c'est toi qui écoute, à savoir si t'es taille. À savoir si t'es taille. Son ghetto. Son ghetto. Son ghetto. Comme celui de Sarko incriminant la racaille dans les cités. Dans nos politiques, on a un nazi qui s'appelle Sarkozy. Son ghetto. engagé à nettoyer ton karcher. Parlons pas d'insécurité dans les cités ou de la question des Noirs et des Maghrébins en France. Le calendrier républicain s'est enrichi d'une nouvelle commémoration. La journée des mémoires, celle de la traite négrière. Dans un souci d'apaisement, Chirac prend le relais après l'année noire 2005. Celle des drames et des revendications, une guerre des mémoires sous-tend les affrontements de rue et du combat politique. Pour trop de quebla français, leur vécu actuel de discrimination ne prendra fin et ne débouchera sur un avenir meilleur qu'à condition de moyens pour solder au préalable un passé traumatique, la traite négrière. Écoute son ghetto, voilà notre boulot, le complot. Si t'aimes pas son ghetto, change de réseau. On veut les euros, la femme à Sarko, plein d'embrouilles à gogo. Eh ouais, son ghetto. Son ghetto. Plus de grillage de barrage, son ghetto est dans les parages. Son ghetto. La rue du bar, j'ai rempli de rage.